Lettre 108e, Agathoclès à Théophanie, de la prison de Nicomédie, mai 305. Le bon et fidèle Tiridate m'a donné de tes nouvelles, et c'est par lui que tu recevras cette lettre, mon amie, mon épouse, mère de mes enfants, et ma sœur en Christ, nom sacré et révéré qui doivent soutenir notre courage. Tu souffres cruellement, et tes souffrances sont mon ouvrage. J'aurais pu te les épargner. Mais c'était ma volonté de me sacrifier pour sauver Constantin, et quoique je n'ignorasse pas la blessure mortelle que j'allais faire à ton cœur, j'ai eu la barbarie d'y plonger le poignard. Tu le vois, Théophanie, je n'adoucis pas mes torts envers toi, et cependant je sais que tu me les pardonnes. Je ne parlerai pas ainsi à une femme ordinaire, je ne présenterai pas la vérité à des yeux trop faibles pour la soutenir, je lui aurais laissé l'illusion que j'étais aussi victime du malheur. Elle aurait ignoré que c'est par ma propre volonté que je la quitte pour jamais et que je brise son cœur. Mais toi, tu es digne de le savoir, et jusqu'au dernier moment, pensée, sentiment, sacrifice, tout nous sera commun. S'il y a quelque valeur à mon action, et sans doute il y en a à renoncer à toi, je veux que tu en partages et le mérite et la récompense. Tu en as plus que moi, je ne fais que mourir, et tu supporteras la vie. Non, ma Théophanie, tu n'accuseras de ton malheur ni le destin, ni ton ami. Tu ne t'abandonneras ni en reproches, ni en murmures. Tu t'affligeras. Cela pourrait-il être autrement, mais avec résignation, et ton âme sera assez forte pour soutenir mon courage. Nos projets te sont connus. Je n'eus jamais aucun mystère pour toi, et même ce qui ne t'intéressait pas directement, les secrets les plus importants, te furent confiés comme à mon premier ami. Constantin lui-même, connaissant bien combien tu t'es au-dessus de ton sexe, consentit que tu fusses le témoin de tous nos entretiens, et souvent un sage conseil, un trait de lumière, furent notre récompense. Je te rappelle tout cela, Théophanie, pour te faire sentir la nécessité absolue des mesures auxquelles tu prenais un si vif intérêt. Il s'agissait dans ce moment de faire triompher la vertu et la religion, ou de les laisser extirper du monde entier. Constantin était prisonnier. Galerius avait juré sa mort et ne pouvait lui faire grâce. Tu savais, et je le savais de même, qu'il n'y avait aucun moyen de le sauver que par une heureuse adresse. Un sacrifice devait être fait. Il fallait tromper les geôliers. L'or pouvait les engager à m'ouvrir la prison, mais ma fortune entière, eût-elle été du double, ne les aurait pas engagés à laisser échapper un prisonnier dont ils répondaient sur leur vie. Tout cela était clair devant mes yeux, et chaque minute de retard augmentait le danger et pouvait nous ravir, Constantin. Je ne te découvris pas mon projet, parce que je n'étais pas encore parfaitement d'accord avec moi-même sur son exécution, et que persuadé que tu m'approuverais, je ne voulus pas affaiblir mon courage par de déchirants adieux. Je réussis, mais avec peine, et la résistance de Constantin faillit à rendre tous mes efforts inutiles. Je fus obligé de lui jurer qu'également je ne voulais pas lui survivre. Il consentit enfin, et je ne te dirai rien de ce que j'éprouvais quand il m'eut quitté. Ton propre cœur ne te le plaindra que trop. Des prières ferventes, une soumission filiale, une foi entière en celui qui mourut volontairement pour les hommes, me préservèrent du désespoir. Calme et fortifié, je me jetai sur le lit de Constantin, m'enveloppant de son manteau et feignant de dormir lorsque le geôlier m'apporta mon souper. La fuite de Constantin ne devait, s'il était possible, être connue que le lendemain. Il fallait lui donner assez d'avance pour qu'on ne pût l'atteindre, sans quoi le sacrifice devenait inutile et nous périssions tous les deux. Lorsque je crus qu'il devait être à l'abri de tout danger, je me fis reconnaître au geôlier, auquel il eût été difficile de me cacher plus longtemps. Il resta consterné. Un mélange singulier d'effroi, de compassion, de colère et d'estime se peignirent sur tous ses traits. Il était obligé de faire son rapport à Auguste, et je l'exhortai moi-même à faire son devoir et à dire, s'il le voulait, que j'étais entré sous l'habit d'un esclave en le trompant lui-même. « Tu es perdu, » me dit-il. « Je le savais, » lui répondis-je, « mais Constantin est sauvé. Depuis lors, j'ai en lui une espèce d'ami, ou du moins un homme qui s'intéressait vivement à mon sort. » C'est encore une consolation que le Seigneur m'envoie. Tu sais tout à présent. J'ai versé ma justification dans le cœur que j'ai déchiré. Pourrais-tu désirer que j'eusse agi autrement? Trouves-tu que le sacrifice de notre bonheur terrestre soit trop considérable pour acheter la conservation de Constantin et l'avancement du christianisme? S'élève-t-il dans ton cœur une ombre de mécontentement ou de reproche contre moi? Que m'aurais-tu conseillé si je t'avais demandé ton avis? Je connais ta réponse et je suis tranquille. Je ne te prie pas de me pardonner ce que tu m'aurais engagé toi-même à faire. Cependant, mon ami, tu es malheureuse au plus haut degré. Ta vie est empoisonnée. Jamais tu ne jouiras d'une heure de bonheur. Le passé n'aura plus que des tourments à t'offrir. Et l'avenir n'existe plus pour toi ici-bas. Il vaudrait mieux que tu mourusses avec moi. Tu le désires, j'en suis sûr, lorsque, dans ton désespoir, tu te rappelles seulement que tu fus épouse et que tu oublies peut-être que tu es mère. Si je pouvais avoir encore une sensation agréable, ce serait sans doute de partir avec toi de cette terre. Cependant, je t'exhorte à vivre, je te le recommande, au don de notre amour, de nos enfants, de tes devoirs, de Dieu de qui nos jours dépendent. Hélas, il prolonge les tiens comme une épreuve, et ta vie en sera une continuelle. Je te connais, je ne crois point que tu te consoles, et je sais que ton amour et ton chagrin composeront ta triste existence, mais c'est ton devoir de la supporter, parce que Dieu te donne des enfants à qui tu dois servir à la fois de père et de mère, et que le moment viendra où il te demandera compte de leur bonheur. Pense que la religion te défend de quitter la place où tu peux encore faire quelque bien, et que le vrai chrétien, dans ces temps de calamité, doit donner l'exemple de la patience et de la résignation. Tu vivras donc, Théophanie, tu ne négligeras aucun moyen de conserver ton existence et une mère à nos enfants, jusqu'à ce qu'ils soient élevés et n'aient plus besoin de toi. Alors Dieu, dans sa bonté, te réunira à l'époux que tu n'auras pas cessé d'aimer. Une douce mort viendra te délivrer de la vie, et ton ami invisible, ange tutélaire de nos enfants, te recevra dans le séjour de la paix, où la récompense de tes efforts t'attend. Ô Théophanie, pense à cet instant de félicité, où, après avoir rempli tous nos devoirs en faisant des sacrifices innombrables, nous nous retrouvons pour ne plus nous quitter. Il arrivera à ce moment, ne risquons pas de le perdre par une coupable impatience. À présent, reçois mes adieux, ma chère Théophanie. Ces feuilles ne seront pas les dernières que tu recevras de moi. J'espère pouvoir t'écrire encore une fois, peut-être même te serrer dans mes bras. Tiridate travaille à me procurer cet inexprimable bonheur. Au milieu des tristes idées qui m'occupent, mon cœur tressaille de joie à la pensée de te revoir encore une fois, de prendre congé de toi pour quelques jours bientôt passés et de donner ma bénédiction à mon fils.